La censure, ça n'existe pas. La censure, ça n'existe pas. La censure, ça n'existe pas. La censure, c'est pour moi. Dès que je daigne faire quelque chose, dès que je fais, je vous assure, dire à quoi je songe, montrer ma chose, je ne comprends pas, on me censure. Je ne peux même pas dire ce que je pense, ça fait que je ne pense pas ce que je dis. Dès que je daigne dire ce que je pense, on me censure, on m'interdit. La censure, ça n'existe pas. La censure, ça n'existe pas. La censure, ça n'existe pas. La censure, c'est pour moi. Je ne peux même plus mettre des pancartes avec mon cul affiché dessus. Je ne veux pas respecter la charte que tout le monde respecte dans la rue. Brûler un billet, traité de chien, le président, ouais, c'est l'allure. Ça me gonfle mais je n'y peux rien. On me censure, on me censure. La censure, ça n'existe pas. La censure, ça n'existe pas. La censure, ça n'existe pas. La censure, c'est pour moi.